Je t'ai prouvé que je t'aimais et tu as envoyé une amie pour me séduire afin de te convaincre que tu n'étais pour moi qu'un caprice. J'ai supporté que tu m'humilies avec des mots injustes, voire cruels, devant ceux qui me méprisaient pour n'avoir pas amassé une fortune. Je t'ai offert, tel un prophète, le soleil, déchirant les cieux en hiver, le jour de ton anniversaire. Mais tu m'as accusé de délire, et en revenant à Bogota, tu m'as cherché, m'envoyant des messages d'espoir. Et puisque je ne peux plus te donner d'amour aujourd'hui, je donne aux futurs amants ceci, ma joie et ma peine.